Non, non, c'est le fils de sans ma liste d'attente, frère. Il barre sur moi, mais des best friends. Pose au fond du bar tabac. Barbac, tout négro, sur mes confrères. Pour nous dire rien, comme arrêter qu'à patite. Comme un veut-tu investir si tu veux pas chill. Fils de, me parle pas de 6.3. J'ai une arme de guerre depuis la tétime. C'est le 19ème roi de bâtard. Rue de chiffonnier pour les couches. On est tous sous le penché dans les coins. Fils de, y'a que la moula dans les postards. On est sur le rang, t'es pas besoin de gardien. Mon seul but, j'arrête des vues, c'est que des potos. J'arrête pas des MHD, il en reste qu'un. Comme et tout, je veux des pesants, un peu de croco. La concu, dans le rétro. T'as mis vu quelques barrettes et tu fais 6 gros. MH, dinguerie, 2015 de retour du réseau. La machine est lancée, active le compte à rebours. J'suis seul dans mon délire, y'a pas de concurrent, c'est ça qui relie. Active le compte à rebours. Mes négros, c'est spécialisé dans la vente de gobreuil pour casser les bouches. Après ta partie 2, DJ Dean. T'as fait même un moula, t'as tout ça. Pow, pow, pow, pow. Bande de cacala. Cacala boumaillé. Cacala boumaillé, boumaillé, boumaillé. Cacala boumaillé. Cacala boumaillé, boumaillé, boumaillé. Cacala boumaillé. Cacala boumaillé, boumaillé, boumaillé. Cacala boumaillé. Cacala boumaillé, boumaillé, boumaillé. Bande de cacala. Bande de cacala.